Exercice 5, page 112. A. Il a vu la suite. B. Il a su le traduire. C. Il a cru la suivre. D. Il a plu cette nuit. E. Il a voulu le fuir. F. Il en a lu 8.